Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On parle de plein air avec Kimélie Gauthier. Et Kiwan fait un survol des nouveautés musicales de la semaine. Tout ça et encore plus à Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, c'est l'émission du retour en pièces détachées. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières, je m'appelle Mathieu Plante. Salut Mathieu. Salut Kiwan. Ça va bien? Oui, ça va bien toi? Pas pire. Ça va bien, KK? Ça dépend comment tu commences ma journée. C'est le premier contact avec Mathieu dépend comment ma journée va aller, toujours. Ah, Colin, mais c'est comme un baromètre, un matomètre si on veut. Je te dirais que c'est pas bien parti aujourd'hui. Non, ben Colin, qu'est-ce qui se passe de bon à l'émission d'aujourd'hui, Kiwan? On parlait un peu des nouveautés CD, mais en fait, tu sais, aujourd'hui, le nouvel album de Carquois sort, Les Chemins de verre de Carquois, donc ça risque d'être pas mal autour de ça. On va écouter plus qu'une pièce du nouvel album qu'on a reçu ici. J'ai bien hâte. Et sinon, quelques autres trucs intéressants à mentionner côté nouveautés CD. Et aussi, Émilie Gauthier va être là vers la fin de l'émission pour nous parler, comme d'habitude, de plein air dans sa chronique « Veux-tu sortir avec moi ». Et aujourd'hui, elle nous parle de sac à dos. Pour aller faire du camping ou de sac à dos. C'est précis, hein, quand même. Je pense que c'est ça. Hein. Tu es au courant, toi, ou non? Ouais. Non, tu m'apprends. Je savais que c'était la suite de la semaine passée sur le camping, mais sac à dos. On parle d'équipement et principalement de sac à dos. Sac banane, peut-être, non? Ouais. Bandoulière, petit sac pour homme, tendance cuir. Non? Ben non, c'est vrai, toi, tu serais plus sac banane, je pense. Ouais, ben oui. Ouais. C'est clair, je traînerais ma DS dedans, je sais pas trop quoi. Bon, donc c'est ce qui se passe à l'émission d'aujourd'hui jusqu'à 17h. On va commencer en musique avec le nouvel album des Vulgaires Machins qui s'appelle Requiem pour les sourds. Et on va entendre la pièce Je m'excuse, trois petits points, je t'aime. Chanson d'amour des Vulgaires Machins. Oh, c'est pas n'importe Carquois. Ben là, ça marche pas parce que c'est pas Carquois. Vous êtes à l'Assemblage Rocky au 89.fm. Caché sans peine. De The Almost à Assemblage requis, votre émission du retour en pièces détachées, hein, Kiwan? Oui, en cette semaine sainte, hein? Semaine sainte, mais oui. Semaine de Pâques. Ah, Pâques! Tout le monde célèbre ça, vraiment. Oui, la résurrection du Christ. Bien certain, bien certain. Un paquet d'occasions de célébrer ça, la résurrection du petit Jésus. Et une que je vous suggère tout de suite, c'est le FIMU. La 14e édition, en fait, ou 14e, ouais, on peut dire édition, c'est biannuel, hein, il y en a deux par année, le Festival international de la musique universelle de Trois-Rivières. Donc, il y en a un, en fait, historiquement, dans le passé, il y en avait toujours deux par année. C'était biannuel, il y en avait un à l'automne, un au printemps. Là, présentement, ça va être la dernière édition printanière. À l'avenir, ça va être annuel, ça va être seulement à l'automne. Okay. Donc, après l'édition d'en fin de semaine, ça va être une fois par année, tous les automnes. Donc, c'est samedi le 3 avril, en fin de semaine. C'est toujours à l'atelier Le Silex, ici, dont Sébastien nous parlait souvent dans sa chronique qui faisait ici l'automne dernier. Parce qu'il y a beaucoup de trucs... Le truc qui se passe à la Télésilex dans le côté performance artistique de tout genre. Et le FIMU, je trouve que c'est la meilleure occasion, en fait, pour s'initier à la Télésilex et au genre d'événements qui sont présentés là-bas. Donc, c'est vraiment un événement multidisciplinaire. Il y a vraiment de tout. Il y a des musiciens qui vont être là. Il y a des artistes à peintre, de la projection vidéo, performance, compteur. Entre autres, côté musique, il y a les résidus plasmiques que tu connais. Ah, c'est bon. Qui vont être là. Il y a beaucoup de poètes qui vont faire partie. Je pourrais nommer des noms, mais il y en a tellement en même temps. Je ne sais pas si je pourrais dire toute la liste au complet. Une chocolatière. Est-ce qu'elle va porter des oreilles de lapin? Parce que sur l'affiche, la fille porte des oreilles de lapin. Ouais, peut-être. C'est un prérequis pour moi. Des oreilles de lapin en chocolat, ouais. Oh! Bref, c'est ça, vraiment une soirée de performance multiple, performance artistique multiple. C'est l'atelier Le Silex samedi le 3 avril. Le thème, c'est Bordel de Pâques. Donc, on a quand même harmonisé le thème avec la date de la présentation qui est en fin de semaine de Pâques. Donc voilà pour le FIMU. Et entre autres, côté musical, à la fin de la soirée, il va y avoir trois sets de DJ, dont un de Danny Janvier, alias Bio Bazar. Il va aussi avoir Crazy Ram D et DJ Freak. Mais nous, on va écouter tout de suite une pièce de Bio Bazar que tu as choisie pour nous. Qu'est-ce que c'est, Mathieu? Oui, en fait, choisi est un grand mot ici parce que c'est sur le site de DannyJanvier.com que j'ai trouvé ça. C'est une pièce qu'il a remixée de Weezer. Donc, on va l'entendre ça. C'est la pièce Love is the Answer. C'est parti d'un concours de remix. Et puis, c'est là que Firefox décide de planter. Hein. Mais je vais continuer de parler pour dire parce que je n'ai pas d'autres informations tant que ça. Mais c'est une pièce de Weezer remixée par DannyJanvier qu'on va l'entendre. Ça t'intéresse-tu, ça? Ben oui. Ben oui. Ça va être l'assemblage requis. On fait beaucoup de remix. Oui, ben, il est très productif côté remix. Il y en a d'autres sur son site. Encore une fois, DannyJanvier.com, hein, on s'en rappelle. Donc voilà, on va écouter Love is the Answer. Et puis, c'est ça. C'est l'assemblage requis, 89.5. La pièce Flying Ground de l'album Saint-Cécile de Bio Bazar. Changement de pièce comme ça, ce changement? Oui, c'est ça. C'était pas finalement un remix de Weezer. Si vous cherchiez les éléments qui appartenaient à Weezer là-dedans, vous les avez sûrement cherchés beaucoup pour rien. Parce qu'ils ont appris le français aussi, Weezer, en même temps. Oui, c'est ça. Non, c'était un extrait de l'album Saint-Cécile, le Bio Bazar qu'on vient d'entendre. Ouais. On écoutera la pièce de Weezer un autre jour, hein, peut-être demain. Ben oui, certainement. Ouais. Vous êtes Assemblage Requis. On va continuer en musique tout de suite. On va entendre un petit peu de Radio et leur pièce Kelly G Non-Stop de l'album Bel Mundo Regal. Assemblage Requis. Synchronise ta bise, je vais prendre des non-stop. Tu verras ça sur le bas, laisse-moi cramer sur le top. Tu veux vite, tu veux easy, tu veux cheap, tu veux groove. J'ai un poster Kenny G dans le salon chez nous. J'ai des couches de suede, des miroirs partout. Des disco balls, puis des popes de loup. Essaye pas de me dire que Kenny G est trop. T'aimes des curls, des comptables, tu veux son numéro. Sax dans le backdrop, smooth comme un lollipop. Tu sais tu veux du Kenny G non-stop. Tu sais que tu veux du Kenny G non-stop. Tu sais que tu veux du Kenny G non-stop. Tu sais que tu veux du Kenny G non-stop. Kenny G non-stop, Kenny G non-stop. I want some Kenny G. T'aimes ça que c'est smooth, t'aimes ça que ça pop. Pas trop compliqué quand tu chopes pour la table. C'est comme des guilty pleasures, t'aimes te pleasure avec la sève sous tes lèvres, oh c'est sucré sur ton bec. T'aimes ça que c'est smooth, t'aimes ça que ça pop. Dis tu n'en veux pas, bah t'en veux non-stop. C'est que tu veux du Kenny G non-stop. Up top des similaires, parlez sur le séminaire. Du Kenny G, du dog bro, Starbucks, Honcho. T'aimes Kenny G, mais laisse-moi faire mon best. Laisse-moi piloter ta plane avant que je dise des tests. Du Kenny G non-stop. Tu sais que tu veux du Kenny G non-stop. Tu sais que tu veux du Kenny G non-stop. I want some Kenny G non-stop. Tu sais que tu veux du Kenny G non-stop. Bienvenue à faire un tour. On écoute du Kenny G jusqu'à la fin de nos jours. Dans mon testament, j'écris une section d'amener Kenny G à mon enterrement. So t'es bienvenue à venir faire un tour. Faire un tour. Elevate a ride, it's like it's a sky. Tu sais que tu veux Kenny G non-stop. So t'es bienvenue à venir faire un tour. On écoute du Kenny G jusqu'à la fin de nos jours. Elevate a ride, it's like it's a sky. Tu sais que tu veux Kenny G non-stop. I want some Kenny G. Kenny G, mon nom c'est Kenny G. sun has come again to hold you, sailing out the doldrums of the week. The polyphonic prayer is here, it's all around you, it's all around. Fall through space out of mind with me, where the emptiness we leave behind on horizon blows all the shadows. Avec la pièce Empire Ant de leur album Plastic Beach. Au retour, les nouveautés musicales de la semaine avec Kiwan, Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. La seule radio musicale. Jusqu'à 17h. Assemblage Requis. Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Sleep, I'm waking, still yawning, we're proving to each other that we're Romance is... Colin, je voulais tellement le dire correctement avec une voix super virile. Romance is boring. On dirait que t'as roté. Mais... C'était pas vraiment ça. Los Capucinos, donc, avec Romance is boring, un petit peu comme l'émission. Mais arrête, c'est pas vrai, je suis pas d'accord. Je disais romantique. Ah, okay. Pas ennuyante. Hey, d'ici la fin de l'émission, on va avoir la visite d'Emily Gauthier qui va venir nous parler sac à dos. Oui. Dans sa chronique planaire, veux-tu sortir avec moi? Mais il va nous dézipper ça. Tout de suite, ouais, elle va nous visiter quoi? Dézipper. Dézipper? Elle va nous dézipper. Hey, il y a un sac à dos, là. Arrête les allusions vulgaires, là. C'est toi qui es croche, Kiwan, là. Je te rappelle que la mère d'Emily écoute l'émission. C'est vrai. Bon. Je retire mes paroles. Je m'excuse, c'était inapproprié, je retire mes paroles. Bon. Donc, bon, tout de suite, ce qu'on va faire, on va parler un peu des nouveautés CD. Il y a quand même plusieurs trucs intéressants. Mais je vais t'avouer que j'ai surtout focusé aujourd'hui sur Carquois parce que c'est l'album que j'attendais et que beaucoup de gens ici à la station et dans la vie en général attendaient avec beaucoup d'impatience. Le nouvel album de Carquois, Les Chemins de Verre, est déjà le premier extrait qui était disponible depuis quelques semaines. Il s'appelle Les Chemins de Verre. J'ai écouté l'album, l'album est sorti aujourd'hui, j'ai acheté ce matin, donc j'ai pas eu le temps encore de l'écouter beaucoup, mais quand même assez pour me faire une opinion. En fait, je vais t'avouer que j'étais pas mal vendu d'avance là, concernant Carquois. Là, je pense qu'il aurait sorti à peu près n'importe quoi, j'aurais aimé ça. Mais je suis capable quand même d'avoir un point de vue objectif et de dire que c'est vraiment un très bon album. Mais avant d'en parler un peu plus, je te parle d'un single du groupe The New Pornographers qui sort aujourd'hui. Le single, le simple, est vraiment revenu à la mode avec la musique qui s'achète maintenant en format numérique. Les internets, là, et tout. Exactement. C'était vraiment un format qui avait disparu, ça, le simple. Sortir juste une pièce, à l'époque où c'était sur vinyle, souvent, ils faisaient ça pour promouvoir le futur album. Mais ça s'est perdu pendant plusieurs décennies. Mais là, avec iTunes et toutes les autres plateformes pour acheter notre musique sur Internet, bien, vraiment un retour du simple, retour à la mode du simple, parce que de toute façon, il y a toujours des extraits qui sont disponibles avant. Il y a tout le temps des fuites. Donc, les groupes se disent pourquoi pas mettre officiellement une pièce en ligne pour les fans. Et c'est ce que New Pornographers ont fait, le groupe de Vancouver, que t'aimes beaucoup, je crois, Mathieu. Ben, j'aime plusieurs pièces d'eux. Je pourrais pas dire que je suis un fan du groupe en tant que tel, je connais pas toutes les pièces. Je trouve qu'ils ont souvent une énergie qui ressemble un peu à Los Campesinos qu'on vient juste d'entendre. Des sonorités aussi assez semblables avec les harmonies, avec les voix là, qui sont comme souvent en chœur et super joyeuses. Il y a deux pièces en fait qui sont disponibles. Il y a la pièce qui est sur leur MySpace qui s'appelle Your Hands, qui est du nouvel album Together de New Pornographers. L'album en fait va sortir le 4 mai prochain, donc dans un peu plus d'un mois. Et le simple qui est disponible aujourd'hui que vous pouvez acheter, c'est Crash Years. Donc, il existe deux pièces déjà de cet album-là que vous pouvez entendre. Nous, on va entendre la pièce Your Hands. Et j'ai écouté la pièce et puis j'ai écouté aussi Crash Years. Et ça sonne vraiment très typiquement de New Pornographers. Vous ne serez pas dépaysé. Ils ne se réinventent pas vraiment avec cet album-là, en tout cas de ce qu'on a entendu à date. Mais moi, j'adore l'énergie de New Pornographers. C'est un mélange de sonorités un peu vieillot, un peu vieux rock, mais en même temps avec des arrangements plus modernes. Puis avec, comme je le disais, ce qui est caractéristique souvent, c'est les voix en chœur du groupe. Donc, on va écouter tout de suite l'extrait Your Hands de l'album Together de New Pornographers. Ton cœur aime ça, cœur, ton cœur, un cœur de musique, tu sais. Que ton cœur aime ça, dans ton cœur, t'aimes. J'arrête. Put your hands together for the silver bullet, make me. Put your heads together for the cause and cure we're waiting. Take it through and past the center of the earth gone straight. The scientist and vandal shooting either way. Put your hands together for the silver bullet. Make me the force of the idol maker, rising definite and shaking. Take your gift for accident, for granted and skin tight. Pull the strings and lift this thing you push with all your might. future perfect way to. You can only cover so much territory, of course. Melting care rooms at the sun about the things you've lost. Put your hands together for the cause and cure is calling. Put your hands together for the silver bullet falling. Digging through and past the center of the earth, go straight. Say the scientist and then look tilting neither way. The New Pornographers avec la pièce Your Hands. L'album sort le 4 mai prochain. Il s'appelle Together, mais vous pouvez acheter tout de suite ou vous procurer, disons, la pièce, le simple Crash Years qui sera l'extrait de cet album-là. Dans les autres sorties aujourd'hui, il y a beaucoup d'albums live, je te dirais. Il y a The Who qui sort un Greatest Hits live. OK. Wolf Mother sort un album live aussi. Julian Casablancas, c'est quand même étonnant. Son album est sorti il n'y a pas si longtemps, l'album studio, l'automne dernier. Il marchait assez fort pour pouvoir sortir un live tout de suite. Oui, il tournait suffisamment pour pouvoir faire un album live. Sinon, bien, j'en viens finalement au fait. Ben, en fait, tantôt, on pourra se reparler de Richard Séguin, si tu veux. Okay. Mais j'en viens au point culminant des sorties CD d'aujourd'hui, l'album de Carquois, hey. Les Chemins de Verre. Donc, l'album, cet album-là, les premières écoutes que j'ai fait m'a semblé être un petit peu plus... un petit peu moins, en fait, léché que le précédent, le volume du vent, qui avait vraiment un son hyper dense avec beaucoup de couches, avec beaucoup, beaucoup de profondeur, de relief. Il y en a un petit peu moins sur cet album-là, des sonorités un peu plus acoustiques aussi, un petit peu plus organiques, je dirais, moins de sons ajoutés, travaillés. Tu crois que les gens leur reprochaient ça, d'avoir fait un son trop, t'sais? Je sais pas, je pense pas. Non. Moi, en tout cas, j'avais beaucoup aimé le son, puis j'aime beaucoup le son de cet album-là aussi, parce que malgré le fait que, en tout cas, que j'ai l'impression que c'est moins, qu'il y a moins de couches, que le son est moins dense, ça reste quand même un son hyper enveloppant. C'est pas sec. C'est pas moins profond. Là. Non, c'est pas du tout un son sec puis léger, guitare-voix. Là, c'est vraiment pas ça. Ça reste quand même très enveloppant comme son. C'est mielleux, c'est doux. Oh. C'est dans la même esthétique que Carquois nous a habitué avec l'album précédent. Donc, pour vous montrer un peu le son quand même un peu plus organique de cet album-là de Carquois, on va écouter deux pièces. On va écouter la première qui s'appelle Le Bon Sens, c'est ça? On va écouter cette pièce-là. Ça va être suivi d'une autre pièce qui s'appelle La Piqûre. Donc, on écoute ça tout de suite. Deux pièces pour vous du nouvel album de Carquois à Assemblage Ricky. Mes chanceux, vous autres! Le cafard à la porte et plusieurs milliards dans la compote. King le fraudeur en smoking s'enfuit dans le smog vert de gris. D'ici c'est difficile de voir le paradis. La face pluguée dans l'exhaust de la Ferrari. Combats des calendriers, les éclats de larmes sur le plancher, brûlantes sur le toit, guettant comme un oiseau de proie. Et le petit psy qui suit comme un chien de poche, j'ai peur que lentement le tonnerre se rapproche. Que lentement le liquid paper efface mon nom. fait comme des esclaves de la dépense. Je veux marcher à reculons pour avancer dans le bon sens. Et Mathieu, assemblage requis. Je veux La piqûre du groupe Carquois, donc de leur nouvel album Les Chemins de Verre. Donc le groupe devrait être en tournée pas mal tout l'été. J'imagine qu'il n'y a pas encore vraiment de date d'annoncer. On espère qu'ils vont être de passage à Trois-Rivières, mais pour l'instant l'album est disponible tout de suite. Aujourd'hui. Right now, là là! Très, très bon album de Carquois, fidèle à ce qu'ils ont fait avant, à leurs albums précédents, à leur son. Ouais. Très, très bon Carquois. Et en même temps, là, présentement, c'est tellement l'album et le groupe du jour, là, de la semaine. Ah, dis pas la saveur du jour. Non, c'est pas ça que je voulais dire, mais je veux dire, tout le monde en parle tellement là, présentement avec la sortie d'album que vous pouvez voir à peu près 1 million d'entrevues qui ont été faites avec eux récemment. Sur les internets, là, vous pouvez avoir un paquet d'entrevues de Carquois qui parle de ce nouvel album-là. On pourrait dire qu'il y a un engouement, tu sais. Vraiment. Vraiment. Tu parlais tantôt qu'il y avait un nouvel album de Richard Séguin qui sortait. Oui, c'est ça. Pour terminer brièvement avec les nouveaux TCD, Richard Séguin sort son nouvel album qui s'appelle « En cœur » avec Richard ou quelque chose du genre. Et, bref, je voulais qu'on parle un peu de Richard et qu'on lui fasse un petit hommage finalement. Richie Boy. Je trouve qu'on parle pas assez de Richard Séguin ici à l'émission. Donc on va et aller de sa ferme. La ferme de M. Séguin. Non. M. Séguin, ouais, non, c'est sa chèvre, je crois. La chèvre, c'est ça. Ouais. Oui. Donc, on va aller écouter, non pas un extrait du nouvel album de Richard Séguin, mais c'est dommage, je sais que t'avais vraiment le goût d'écouter un album de cet album de Richard qui s'appelle Séguin et le Grand Cœur. Ah, c'est un beau nom. Coeur, ça. Tantôt. Non, on va plutôt aller écouter une pièce de Vidéoville qui a absolument pas rapport, sinon que la pièce s'appelle Richard Séguin pris en otage dans une cheminée à Pointe-aux-Trembles. Si t'as retenu par cœur, t'es bon. On écoute ça tout de suite à Assemblage Requis. Au 89 FM. C'est tout. Maintenant, avec qui je vais me gueuler, hein? Pièce qui n'a absolument rien à voir avec le nouvel album de Richard Séguin, malheureusement, à part le nom. Oui, la pièce s'appelle Richard Séguin pris en otage dans une cheminée à Pointe-aux-Trembles et c'est le groupe Vidéoville qu'on vient d'entendre. Très bon groupe. Ben oui, moi il y avait une chèvre, tu sais. Comme M. Séguin, je sais pas. Bon, C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. On a une deuxième tout à l'heure avec Émilie Gauthier et sa chronique sur les sacs à dos. Oui, on va aussi avoir des sushis à vous donner, donc restez là. Miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam. C'est fou, 89.1. Nouvelle génération. Vous êtes assez fou. Bon, on est toujours à Assemblage Requis pour toi. Oui, toi, aujourd'hui, avec Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. Kiwan vient de péter le studio. Kiwan, fais attention, le studio, il a pas tellement d'argent pour rénover en ce moment. Fais attention. Ouais. Ouais, c'est bon, mais... pas pire en rénovation, là, donc... Non, c'est vrai, on t'entend, qu'est-ce que t'as construit jusqu'à maintenant? T'as construit, je pense que tu m'as aidé à construire la console, on s'entend. Les micros avec des noix de coco, t'as fait plein de choses avec moi. Je trouve qu'on fait un beau petit duo de marteaux et de pioches, là. Ouais, bientôt, on va avoir notre émission de rénovation, d'ailleurs, sur les ondes de C'est Fou. Oui, c'est qui le gars qui animait les émissions de, tu sais, là? À C'est Fou? Ouais, c'est ça, non. Il y avait une émission de rénovation, c'est tout. Non, le matin, à la TV, t'avais un monsieur de la construction. Ah, eh ben. En tout cas. Bref, pour tout de suite, qu'on va faire, on va aller écouter un petit bloc qui sont en fait des suggestions de sortie pour vous qu'on fait pour en fin de semaine. Le 3 avril, on a déjà parlé un peu du FIMU qui a lieu à l'atelier Silex le 3 avril prochain, mais aussi le 3 avril, ça va être une soirée quand même assez occupée ici à Trois-Rivières parce qu'il y a Tricot Machine qui sont à la salle Anaïs Allard-Rousseau. Je ne sais pas par contre s'il reste encore des billets parce que je sais que ça fait déjà un bout de temps que le spectacle est... Et c'est du lait pour le 3 avril prochain. Et c'est quand même un groupe qui est assez en demande, Tricot Machine, avec la sortie de leur nouvel album, La Prochaine Étape, dont on va entendre un extrait bientôt. Aussi, le 3 avril, une très bonne alternative à ça, c'est Antoine Corriveau, qui vient pas si souvent dans le coin de Trois-Rivières. Antoine vient d'ici Trois-Rivières, mais il reste à Montréal. Maintenant, il fait plus de spectacles en fait à Montréal qu'ici. Mais le 3 avril, il va être au Café-Bar Les Zénobes, ici, pour présenter, entre autres, son nouveau matériel du prochain album qui prépare pour le mois de juin. Donc, il va commencer à présenter son nouveau matériel. Il va être en formule trio, d'ailleurs, parce que des fois, il y a deux formats de spectacle pour Antoine Corriveau, soit seul avec sa guitare ou en trio. Donc, il va être en trio au Zénobes le 3 avril prochain, samedi. Et nous, on va écouter une pièce vraiment très, très douce d'Antoine, que vous pouvez écouter d'ailleurs sur son MySpace. Il y a même aussi, si vous allez sur le antoinecorriveau.com, un très beau clip qui a été fait, un genre de clip maison qu'il a réalisé lui-même, qui est juste comme un genre de road movie, des images qui défilent avec cette musique-là. La pièce s'appelle Outman. C'est vraiment très bon, mais c'est surtout bon à voir avec les images. Ça vaut la peine d'aller faire un tour sur antoinecorriveau.com pour voir ça. Et poursuivre en même temps ce qui se passe de bon avec Antoine, il y a des pièces en téléchargement gratuit aussi sur ce site-là. Donc voilà. Toi, tu dis Outman, moi je dis Outman. Outman. You say it, I say it. Non? La chanson de. Quand tu prononces pas la même chose avec un accent, comme tu sais, toi, c'est mettons. Ouais, ouais, c'est ça. Tu te rappelles pas la toi? You say it, made of ice. C'est pas un mot de toute façon, tu sais, Outman, Outman. Non, ça dépend comment tu prononces le mot d'où. Non, c'est pas. Non, je pense que c'est pas relié. Hein. Non, mais non. C'est juste écrit pareil avec un accent en même place. T'as raison, ça laisse bénéfice au doute. Sur mon cœur, j'aime me manger. aspirateur et des ciseaux pour que plus personne n'ouvre mon cœur et le monnaie aux échangeurs. Tu ne peux pas, je ne peux pas supporter ça pendant longtemps. Une ville est triste, tout un état, et la quitter tout simplement. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Comme un petit poussin. Tricot machine. Comme un petit poussin. Comme un petit poussin de centre d'achat. La c'est fin ça. De semaine de Pâques. Ouais. C'est Tricot Machine qu'on vient d'entendre avec la pièce Comme un accident de leur album La prochaine étape. Et je vérifie, il reste encore pas mal de billets pour Tricot Machine. C'est à la salle Anaïs Allard Rousseau, samedi le 3 avril. Parfait. Émilie, bonjour. Gauthier. Allô. Tu reviens des rivières, c'est ça? Il y a une petite fermette? Oui. Des petits animaux? Oui, plein de poules, des oies? Oui, c'était doux. Des gérants qui ramassaient les dégâts? Oui. Ça a l'air plaisant. Plein de lapins. Mmh. C'est le fun. Est-ce que les dégâts étaient mangeables? Non. J'ai pas regardé. Mangeable? Je sais pas. Ah, mais là, on sait pas le chocolat de Pâques, ça vient d'où, moi, je sais pas. OK. Accueillons. Mathieu, quoi? Tu sais, il y a des choses dans la vie qui n'existent pas, comme la fée des dents, est peut-être pas vrai. Non, mais il y a des déguisements, par exemple, de fée des dents. D'accord. Bon, d'accord. Accueillons notre hôtesse de l'air, Émilie Gauthier. Comment passer d'un lien qui n'a pas rapport à un autre lien qui n'a pas rapport, que personne ne comprend sauf nous autres? Bonjour, Émilie Gauthier. Hello. On aime ça commencer le plus bidon possible. Oui, le plus pas rapport. Pour éliminer les gens qui s'en foutent de ces affaires-là et qui n'aiment pas ça. On leur a dit, tassez-vous. Seulement le monde qui sont intéressés par le sujet dont on discute aujourd'hui vont rester avec nous. Oui. On parle pas d'avion, par contre. Non. On parle même pas d'air. On parle pas d'air dans ta chronique plein air, hein? Non. Ah ben. C'est comme poche, hein? Étrange un peu comme concept, là. Je quitte roi. Mmh. Je fitte plus dans le concept. Non. Okay, parle-nous de chèvre à la place, puis de... Non plus. Doigt. Non. Je serais même parler de sac à dos aujourd'hui. Ah, bon. Parlons de sac à dos. Désipe-nous ça. Ça te tente-tu? Oui. Toi qui wen? Ben oui. OK. Toi, j'imagine que t'en as un aussi quand tu fais de la randonnée puis du camping. Oui. Tu fait te conseiller ou tu l'as choisi toi-même? Ça fait très, très longtemps que je l'ai. En fait, je serais dû pour le changer, mais non, ouais, je me suis fait te conseiller un peu, là. D'accord. Ouais. Puis t'es sûr de ton choix, là? T'as été satisfait? Ouais, non, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai que sûrement que si je révisais l'utilité que j'en fais, là, puis mes besoins, sûrement que je devrais changer, mais je vais écouter ta chronique, puis ensuite, je vais être bien c'est éclairé. Bon, ça. Ceux c'est qui bon viennent ça d'acheter un sac à dos, là, ils vont être comme déçus de leur achat quand tu vas leur dire comment vraiment garder acheter un votre sac à facture dos pas trop loin tout d'un coup, là. Normalement, c'est 15 jours. C'est 15 jours normalement avec la facture. Pour les sacs à dos, c'est 15 jours, pourquoi? Ben, pour tout retour en magasin, c'est ça? Hein? Pas 30 jours? OK. Ben, je sais pas. Ça dépend des magasins, j'imagine. Bon. C'est parce que t'achètes juste du linge. Ça doit être. Je sais pas. ben, c'est un sac à dos, je pense que c'est un peu l'élément le plus important dans un voyage, là. C'est, dans le fond, c'est ce qu'on a sous le dos toute la journée. C'est ce qui doit être vraiment adapté au corps pour pas se faire de blessures. C'est un peu ce qui sert de maison pendant le voyage. On traîne tout là-dedans. Puis... ben c'est pas vraiment comme acheter une valise. Il y a vraiment des éléments importants à considérer selon le type d'activité qu'on fait. Est-ce que c'est comme plus récréatif ou c'est plus des activités intenses? Selon la durée moyenne, c'est quelques heures comparativement à plusieurs jours. La grosseur du sac va varier. Le poids et la quantité des items à transporter, le type de terrain sur lequel on va pratiquer l'activité, les particularités, si c'est en été ou en hiver, c'est sûr qu'on n'ira pas chercher la même chose. Puis aussi, le gabarit de l'utilisateur. Donc, quelqu'un qui mesure 5 pieds vs quelqu'un qui mesure 6 pieds n'achètera pas nécessairement le même sac. Faut aussi s'interroger sur la nécessité de certaines caractéristiques, comme est-ce que vous avez vraiment besoin d'un sac imperméable? Quelqu'un qui va partir une journée n'a pas nécessairement besoin du sac super imperméable, contrairement à quelqu'un qui part en randonnée. Résistance à l'abrasion, encore là, quelqu'un que c'est juste pour aller monter un petit mont puis le redescendre puis il redort chez eux le soir, ben c'est pas la même chose que quelqu'un qui fait du camping. La ventilation, l'accès rapide au compartiment, capacité de supporter des lourdes charges, stabilité générale, ajustement, c'est tous des points qu'il faut vraiment porter attention quand on achète un sac à dos parce qu'on le sait, c'est quand même pas donné non plus les gros sacs de randonnée. Fait qu'il faut vraiment cibler nos besoins. Je pense à la phrase que j'ai dit plus souvent dans toutes mes chroniques, cibler nos besoins. C'est vrai, c'est la vérité. Mais c'est vraiment, faut pas acheter telle chose parce que notre ami l'a ou parce que c'est cool. Ou parce qu'il est beau, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Il y en a des sacs de randonnée qui sont super beaux, mais est-ce que j'en ai besoin? Non, j'en fais pas assez. Puis c'est tout. Fait que, premièrement, la grosseur du sac, il y a plusieurs catégories. Il y a un sac de jour ou de promenade qui est... je sais pas si vous savez, mais des sacs souvent de randonnée, c'est calculé en quantité en litres. Donc, un petit sac d'école, c'est à peu près 15-20 litres. Donc, le sac de jour est de 15 à 35 litres. C'est un sac qui est utilisé pour des activités d'une journée qui ne demandent pas beaucoup d'énergie. Donc, on n'a pas besoin de s'apporter de brûleur pour se faire à manger ou quoi que ce soit. C'est une capacité plus ou moins restreinte. C'est un peu, en fond, comme nos sacs d'école, c'est ça. Puis des bretelles simples, il n'y a pas nécessairement plein de ceintures à la taille ou quoi que ce soit. Bien que c'est recommandé d'avoir une ceinture à la taille, une à la poitrine pour être stable. Pour le dos, hein? Ben, pour justement, au niveau de la poitrine, c'est juste pour pas que les bretelles bougent au niveau des épaules. Puis à la taille, c'est vraiment pour que le poids soit réparti entre les épaules et les hanches. Ah. Pour que, justement, on n'ait pas mal dans le dos, mal dans les épaules. Souvent, les sacs d'école, il y en a de plus en plus qui en ont des ceintures comme ça. Ouais. Puis c'est recommandé. C'est juste, dans le fond, le poids est beaucoup plus. Je pense que c'est 80% sur les hanches. Donc, ça va vraiment être moins douloureux au niveau du dos et des épaules. Il devrait spécifier sur les sacs, ça me semble. Ça me semble. Moi, je me demandais pourquoi il y avait une bretelle à la tête. T'sais, j'en ai une après mon sac, je m'en sers pas. Mais c'est que sûr, là, je vais vraiment servir. Hein. C'est sûr que sur ces sacs-là, ça fait pas une différence majeure, étant donné que c'est souvent une petite bande, un petit ruban, c'est pas. Mais ça fait quand même une différence juste au niveau que ça, quand tu fais de la randonnée, ça vient pas claquer dans ton dos quand tu marches, ça va rester collé. Même chose au niveau de la poitrine, c'est juste pour pas que ton sac il bouge, ça fasse des frictions, puis. C'est juste pour plus de confort. En fait. Certains sacs de jour, ils ont une armature arquée et un filet. On appelle souvent ça un bungee. Dans le fond, sur le sac à dos comme tel, il y a comme plusieurs morceaux de métal qui vont former comme un peu une coquille de tortue, si on veut. Mm-hmm. Puis, collé dans le dos, il va avoir un filet. Donc, il va avoir un espace entre le sac et le dos, ce qui va permettre de ne pas transpirer. Souvent, quand on marche longtemps avec un sac à dos, on vient le dos tout trempe. Il y a certains sacs qui ont ça. C'est un petit peu plus dispendieux, mais ça vaut vraiment la peine pour quelqu'un qui part une journée en randonnée ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui marche pour aller à l'école, c'est pas nécessaire. Puis, au contraire, ça va même limiter son espace pour mettre des livres. Parce que c'est rond, c'est pas fait pour mettre des livres. Mais quelqu'un qui peut en randonnée, c'est vraiment un gros plus d'avoir ça. Après ça, il y a les sacs à dos alpins, parce que c'est considéré pour les gens qui font du ski ou quoi que ce soit, mais ça peut servir à autre chose aussi. C'est des 30 à 55 litres. C'est conçu pour des activités un peu plus intenses qui impliquent au moins une nuit en nature, habituellement. Donc, on s'apporte un petit lunch le lendemain. Pas nécessairement à ce moment-là d'avoir un brûleur ou quoi que ce soit. On est capable de faire une journée ou deux. Il y a une armature plus solide, pas nécessairement en courbe dans celle-là, juste pour nécessairement pour que le sac soit plus solide, étant donné que 55 litres, c'est quand même, ça commence à être une bonne grosseur, donc c'est juste pour que le sac se tienne, que ça résiste. Il y a aussi une ceinture à la taille pour stabiliser le poids additionnel qu'on ajoute dans le sac. Fait que c'est un sac qui est environ pour 2-3 jours, 30 à 55 litres. Après ça, il y a le sac de randonnée qui est de 55 à 75 litres ou d'expédition qui est de 75 à 100 litres. Ça, c'est vraiment plus rare, plus spécifique. Il faut aller dans des boutiques. Moi, la boutique de plein air, c'est vraiment une petite boutique. Puis, elle n'est pas grosse. Puis, on en a jusqu'à, je pense, 80 et plus. Là, puis, c'est rare. Là. Quand on veut aller chercher du 100 litres, c'est vraiment des plus grosses expéditions. À ce moment-là, on va dans une boutique plus spécialisée parce que c'est quelque chose de précis qu'on veut. C'est des sacs qui sont vraiment nécessaires ça, quand on part 4-5 jours et plus. Ils ont une grande capacité de chargement. Ils ont des cadres intégrés pour permettre le transfert de poids entre le dos et les épaules. Donc, les hanches, justement, il est vraiment important, cette grosseur-là, que la ceinture des hanches arrive vraiment à la bonne place. Le monde ne savent pas, il faut que ça la cote sur les hanches. Dans le fond, tu sais, quand, je sais pas, plus petit, quand on prenait quelqu'un sur notre dos puis qu'il croisait les jambes, ça cotait sur les hanches, mais c'est là qu'il faut que ça la cote, la ceinture. Puis, faut pas que ça arrive trop bas ou trop haut, parce que justement, ça va finir par blesser le poids à côté pas à bonne place. Ça, c'était pour les grosseurs. Après ça, la suspension et l'ajustement, c'est une fois qu'on a déterminé la grosseur qu'on a besoin, on opte pour un modèle qui est ajustable ou non. Y a le premier choix pour la grandeur du sac, c'est vraiment selon la longueur du dos. Comme je disais, quelqu'un de 5 pieds, quelqu'un de 10 pieds, c'est pas nécessairement la même chose. Il y a des sacs qui sont ajustables, qui ont comme une ganse dans le dos qu'on peut aller ajuster selon la longueur. Puis, il y en a aussi qui sont sur mesure, genre small, medium, large. Là. Puis ça, c'est offert. Les deux, c'est offert pour le même nombre de litres. C'est vraiment à côté de l'ajustement des ganses, de la ceinture. Ça va faire une grosse différence. Dans les deux cas, les bretelles puis les ceintures de taille sont ajustables. Donc, c'est vraiment pas ça qu'on cible à la base. C'est vraiment la longueur du dos. Même, il y a comme des genres de modèles, si tu veux, en plastique qu'on peut... C'est très mince. On peut juste l'attacher au niveau de la taille. Puis à ce moment-là, on peut aller voir selon le dos et la grandeur qu'il faut. C'est très imagé, là. Je suis pas vraiment capable de l'expliquer. C'est vraiment comme un genre de long carton, là, avec une fente dans le milieu. Puis selon les plis du dos, on est capable d'aller voir, OK, ben ça, il faut que ça arrive à la bonne place. À ce moment-là, on est capable de... Les plis étant des vertèbres, j'imagine. C'est ça. Où est-ce que ça plie, ouais, là? Ouais, d'accord. C'est ça, les vertèbres principales. Si le poids d'un sac à dos est essentiellement supporté par les bretelles, quand on va chercher des sacs de 30 5 litres et plus, il faut qu'il y ait un bon système de suspension. Fait que c'est vraiment la ceinture de taille, les courroies aux épaules, qu'il faut justement qu'il faut que ça soit ajusté, il faut que ça la cote aussi. Puis il faut qu'il y ait une bonne armature, un bon support dorsal pour justement pas se blesser. C'est pas le but là, quand on s'achète un sac. Non, hein? Fait que l'armature, là, ça a l'air un petit peu étrange comme ça. C'est pas une armature de soutien-gorge pour ceux qui se demandaient. C'est vraiment pas pareil, mais c'est ça sert un peu à la même chose. Ça, c'est la prochaine chronique, hein, c'est ça? Oui, oui. Ouais. La semaine prochaine, soutien-gorge, non. C'est les sacs à dos de taille moyenne ou plus qui sont munis d'une armature. Puis ça permet de mieux répartir le poids du sac et de protéger le dos. Selon le modèle choisi, l'armature peut être interne ou externe. Ça, on choisit ça. Les armatures externes sont habituellement construites avec des composantes assez rigides. C'est ça. C'est 80 % du poids qu'il faut qu'il soit sur les hanches. Après ça, le reste dans les épaules. C'est pour ça qu'il faut vraiment diminuer le poids sur les épaules parce que le lendemain, quand tu es encore acquis des épaules, t'as pas le goût de remettre ton sac à dos. Mm-hmm. Fait que l'armature externe, elle va réduire la fatigue du dos. Le centre de gravité va être placé plus près des hanches. Fait que justement, le centre de gravité, quand on se penche pour ramasser quelque chose, c'est au niveau des hanches. Donc, en mettant le poids à côté sur celle-ci, ben ça fait que quand on se penche, on n'a pas une perte d'équilibre. Puis, ça sert vraiment à ça. Il y a aussi, l'armature permet au sac de rester à une certaine distance du dos, pas trop proche, pas trop loin. Ça permet une bonne ventilation si c'est vraiment l'armature externe. Donc, c'est celle qu'on peut voir dans le sac. Ça perd un peu de la stabilité. Si on donne des activités intenses, des mouvements brusques, donc de l'escalade, quelque chose comme ça, c'est pas fait pour porter une armature externe. En terrain accidenté non plus, on va aller choisir un sac avec une armature... J'ai de la misère à dire ce mot-là. Armature. Armature interne. Puis ça va offrir une performance plus optimale en terrain plus rough, si on veut. Mais celle-là, on ne peut pas l'avoir, est vraiment dans la paroi du dossier du sac à dos. C'est principalement construit de l'aluminium qui fait comme des. Fait comme une échelle, un peu, si on veut. Là. C'est deux bandes parallèles avec d'autres barreaux. Ça va permettre une bonne flexibilité pendant les activités, mais par contre, quand c'est une armature interne, le sac va être porté plus près du corps, fait que la ventilation va être moins bonne, on va avoir un peu plus chaud. Pour être sûr de choisir son sac, il est recommandé d'en essayer plus qu'un en magasin. Quand quelqu'un, je veux un sac de telle quantité, OK, tu as ouais. déjà ciblé, mais je vais t'en sortir 3-4, puis on va essayer voir, premièrement, on va choisir la grandeur, puis après ça, on va les ajuster différemment. Il y a certains sacs qui sont découpés différemment, c'est comme un pantalon, il y en a qui sont faits plus droits, il y en a qui sont faits, mais c'est la même chose pour les sacs à dos. Est-ce qu'on peut les remplir avec quelque chose pour marcher avec? Oui, c'est ça. Mais souvent, ils sont rembourrés juste pour avoir la grosseur côté look. Mais t'as jamais le poids de... Mais quand on commence à être vraiment certain d'un modèle, il y a moyen de demander de remplir avec. On va chercher des objets pesants dans le magasin. Ah. Puis on fait juste pas nécessairement besoin de le dissiper, mais juste comme un rack à vélo, mettons. Ça rentre dans le sac, mais dans sa boîte. On fait juste le mettre, ça va dépasser. Mais juste avoir une idée quand t'as un certain poids dedans, oui, c'est vraiment conseillé de l'essayer comme si on partait vraiment avec, là. Bonne idée. Voilà. Effectivement, c'est ça. On l'essaye. On va savoir quel type d'armature nous convient ou pas. Oui, si on sait qu'on va aller en terrain montagneux, mais qu'on se sent pas confortable avec tel type d'armature, c'est sûr, c'est pas conseillé, mais si on n'est pas confortable, on n'est pas confortable, on va pas acheter quelque chose qui nous convient pas. Sauf, on le remplit, on marche un peu dans le magasin, puis on voit à ce moment-là si ça frotte à quelque part, si ça cogne, si... C'est vraiment comme du linge. Il faut l'essayer pour être vraiment certain. Pour ce qui est du chargement, c'est préférable d'avoir... d'après moi, c'est préférable d'avoir un sac qui a un accès par le haut. Parce que côté imperméabilité, résistance aux intempéries, c'est mieux comme ça. Parce qu'il y en a que la poche est comme... Il faut comme un sac de sport, là, si on veut. Là. Et vraiment, sur tout le long, on l'enfile. C'est pas idéal côté intempéries. Si parce qu'un zip, ça passe au travers de l'eau, c'est ça? L'eau passe au travers. Mais non, mais il y a beaucoup. Ils sont imperméabilisés. Okay. Mais côté vent, côté sable, quoi que ce soit, ça peut fenrir le sac. Si ton sac a 10 ans, mais à un moment donné, il est usé. Puis... Fait que c'est mieux d'avoir l'entrée par le haut. Puis souvent, il y a comme un deuxième petit sac qui se rajoute par-dessus qui va aller protéger en plus. Okay. Si on veut un plus d'accès, il y a un accès multiple. Souvent, il y a l'accès par le haut, puis il y a, dans le bas du sac à dos, il y a une grosse pochette. Puis des fois, on peut la déclipper, puis il y a comme un zip caché qu'on peut aller fouiller dans le fond du sac si on a besoin de quelque chose dans le fond. C'est excellent, ça, comme idée. Pratique, ça, ouais. Ben oui. Même si vous voyagez, mettons, dans d'autres pays, en avion avec un sac à dos, là, c'est pratique quand quand vous faites fouiller là, aux douanes, qu'il y ait un accès par le fond, ça évite que le douanier vide tout votre sac sauvagement, comme c'est souvent le cas. C'est comme ton corps, donc, oui. Exactement. Okay. Voilà. Un accès par le bas. Oui, pour le vider docilement. Exactement. C'est ce que je voulais dire, oui. Mais il faut faire attention, par exemple, aux points d'entrée, surtout en fermeture éclair, parce que une fermeture éclair, vous ne voulez pas dans un sac à dos, dans une tente, c'est un point faible, parce que c'est pas... ça peut s'ouvrir. Donc, quand on a juste bon sac, mais on trouve qu'il y a trop de fermeture, on peut aller chercher des courroies de compression. C'est comme les gants de sac à dos qui finissent tout le temps par pendre, mais ça existe aussi qu'on peut mettre par-dessus le sac pour venir le tenir plus serré, si on veut. Je pense que je vais arrêter là. On va faire une petite chanson thématique. On va chanter une petite chanson ensemble. J'ai bien hâte de voir ce que vous m'avez sorti. On a trouvé une pièce qui fit avec le thème. C'est la pièce « Sac à dos » de Maître J. Maître J, encore à l'œil tombe en bas, J. Tourne, tourne en rond. Quand je te plie, tu dis que c'est bon. À ma cinquième saison, j'ai l'effet d'un étalon. Genre ton dit et ton parle ou l'étalon. D'autres auteurs, je sais que t'es nerveuse. Tu durcis comme une monde mobile. L'hiver au Caraïbe, je sais pas d'être humanitaire. Je me fais saver comme un colon des stations balnéaires. J'aime ça, ok, ok, ok, ok. Man in black, du quartier à Jackson. 5 heures du mat, time for some action. Jet stream, un vent d'ouest d'indan. Je fais ça, pleuvoir tellement je déplace du vent. Je t'ardonne, oui je t'ardonne. Jukebox ambulant, 30 sous, je t'ardonne. Sac à dos. Oh, oui, baby, j'ai tout ce qu'il nous faut. On va coucher dans le foin. Très loin, très loin. Je connais déjà bien. C'est vraiment bien. Sa grande allée. Oh, oui, pitié, baby. L'allumination par si longtemps. Je t'ai dit comme j'en étais agi. Tout partout. Les plus battables dans les palais, jusqu'au foyer sans le sou. Les campagnes, les villes, le sable blanc de l'océan. De Londres à Chicago, j'ai pris mon élan. Deux verres faits noirs, mes fesses caressent les cieux. Vent furieux, sourire précieux, cyclope grincheux. Et dans les poubelles, mourir jeune comme un hostie de Rodruel. Le bohème, très blême, oh oui, tu le sais, tu le sais, tu le sais. Maître J n'est jamais satisfait. C'est malgré moi ma tombe d'onde du ciel. Je commande pas, je demande rien, je crois que t'es Saint-Étienne. Je me moque du fiel, des faux gangsters. Tu kiffes ma toque, Texas Ranger. On va coucher dans le foin, très loin, très loin. Je connais déjà bien, c'est vraiment bien. Sa grande allée. Oh, moi, les pitoués, bébé. La lune sort par-dessus l'autre. Réflexe volage, une folie généralisée qui par mon rap se propage. En lui, en elle, en toi, en quoi, tous percés du même coup. La clé du drame, une arme noire mise dans les mains de blin fou. Mon sel sonne, faut que ça bouge, bouge, mes joues deviennent rouges. Faut que je trouve, je reviens sans toi. J'aime quand tu t'ouvres, qu'on se voit, qu'on sert, tu deviens ma louve. Je t'apprivoise, la grande sournoise. Tu te perds dans ma générosité légendaire. On va coucher dans le foin, très loin, très loin. Je connais déjà bien, c'est vraiment bien. Sa grande allée. Oh, moi, pitoué, bébé. La lune sort par-dessus l'autel. Dans mon sac à dos. Oh, oui, bébé, j'ai tout ce qu'il nous faut. On va coucher dans le foin, très loin, très loin. Je connais déjà bien, c'est vraiment bien. Sa grande allée. Oh, moi, les pitoués, bébé. La lune sort par-dessus l'autel. Quelle histoire d'amour entre une fille et son sac à dos, hein? Ouais. Sac à dos de Maître J. Ouais. Maître toi, j'ai... C'est louche. Je suis comme troublée, je pense. Ouais, il y a un clip hein, qui vient avec la pièce. Puis, ouais. Ouais, vous irez voir ça sur YouTube, puis on s'en reparlera. Je sais pas si elle avait eu des bons conseils, elle, pour choisir son sac à dos. Hein. Pas mentionné dans la pièce. Ouais. Il est comme très américain. Hein. Bleu, blanc, rouge. Mm. Bref, Maître J, sac à dos, allez voir ça sur YouTube. Nous, mais on est toujours avec Émilie Gauthier. Oui. Et sa chronique veut te sortir avec moi. Elle nous parle de sac à dos aujourd'hui. Comment choisir ce merveilleux sac à dos quand vous allez partir en randonnée ou en excursion ou en plein de trucs dehors, là? Partir avec un sac sur le dos. Bon. Ça résume bien les choses. Ben oui, ça partir avec okay. un sac sur le dos. Ben oui. Il y en a qui traînent comme les vagabonds ou traînent leur petit baluchon. Comment t'appelles ça? Baluchon. Ben oui, un baluchon. C'est moins à mode, je te dirais, le baluchon de nos jours. Là. On voit pas grand monde avec ça. On devrait ramener ça. C'est moins confortable. Là. Sac banane, baluchon. On est parti pour un bout. Sac banane, il y en a encore beaucoup. Oui, hein? Oui. Ça se vend encore dans les magasins. Mm-hmm. Il peut y avoir des beaux sacs bananes. Tu sais, on dit pas ça. Ce qu'on dit, c'est qu'il y en a des fluorescents, là. Phosphorescents. Peut-être dans une prochaine chronique, on pourra parler des sacs bananes. Je veux savoir comment choisir son sac banane. Oui, bien justement, j'avais trouvé des informations. Je me suis dit que j'allais peut-être m'abstenir, mais si vous y tenez, je pourrais peut-être regarder ça. Là. Donc, toujours avec Émilie Gauthier pour sa chronique sur le sac à dos. On était rendu où? On était rendu un coup qu'on a choisi la capacité, qu'on a choisi un petit peu côté grandeur, qu'est-ce qu'il faut. Faut regarder aussi la construction du sac. Il faut regarder le tissu. Étant donné que c'est pas un type de sac pour des petites activités naturelles, où est-ce que la météo est pas toujours clémente, l'intensité des activités peut causer des torts au sac. Il faut porter attention au matériau avec lequel est construit le sac. Ça doit pouvoir tenir le coup aux déchirures, aux branches qui frottent dessus. Il y a des points en particulier, comme le dessous du sac, qui doit être fait plus solide avec des matériaux plus forts. Faut regarder aussi si les coutures sont renforcées, parce que des fois, avoir plus de points par centimètre, faut qu'il y ait plus de points qu'à l'habitude. Regardez vraiment la construction du sac à dos. Regardez s'il y a un enduit imperméable ou juste au moins un déperlant qui est appliqué sur l'enveloppe pour que l'eau, au moins, si elle n'est pas complètement imperméable, mais que l'eau appelle dessus pour un certain temps avant de rentrer en dedans puis de mouiller tes bobettes. Un sac qui bégaye, c'est toujours bien, tu sais, quand il déperle. Sac à dos. Ah-ha. Ouais. Mais savais-tu qu'il y a des sacs à dos qui ont comme une petite housse, on va dire une mousse, une petite housse imperméable cachée, que quand il mouille, là, tu le sors par en dessous, là, puis ça fait comme une genre de toile avec un élastique que tu mets par-dessus ton sac, puis ça y fait comme un imperméable. Wow! C'est comme un pervers avec un trench coat. Ouais, caché. Le vrai, comme ça. Ça. Mais ça se vend aussi pour autour de 30$ en magasin s'il n'y en a pas avec ton sac à dos. Tu peux t'en acheter un pour ton sac d'école, il y en a pour toutes les grandeurs. Oh, ouais. C'est pratique. Aussi, tu pourrais utiliser un sac à poubelle. Ben oui, c'est beau, c'est la même chose. Mais côté humidité, par exemple, c'est pas écœurant le sac à poubelle. Ouais, ça ressuinte un peu plus. Ça dépend ce que t'as dans ton sac à dos. Si t'as un sac d'école, c'est pas grave, mais si t'as un sac de randonnée puis que t'as des allumettes, t'as des trucs comme ça, côté humidité, c'est que ça va la conserver en dedans, tandis que l'autre sac, ça respire plus. Si on veut. C'est ça. Si tu traînes ton laptop et tout, là, fais attention. Ou un GPS. Exactement. Ouais. L'utilisation d'un sac, ben, la répartition du poids dans le sac, c'est un enjeu majeur. Faut pas mettre tout n'importe où. Le plus lourd doit arriver à peu près à la hauteur du centre de gravité, donc entre les hanches puis le nombril. Puis le plus léger dans le haut du sac, donc vers la tête. De cette façon-là, en fond, la gravité est respectée, puis se pencher, se relever, on ne perdra pas l'équilibre. On commence avec des items plus lourds dans le bas, comme si on a un réchaud, des conserves, de la nourriture. Puis on place le plus possible proche du centre du dos pour justement que ça ne penche pas par en arrière. Après ça, on va avec une couche moyenne qui est composée de vêtements, des bas, des t-shirts, des shirts, des serviettes. Puis on termine avec une couche avec des objets légers comme des cartes routières, des collations, des bougies. Mais souvent, ces objets-là aussi peuvent être placés sur le petit sac qui bouge sur le dessus, si on veut. C'est comme pour les sacs d'épicerie, hein? Faut que tu mettes les points tranchés sur le dessus. Les œufs au fond. Hein? Ça, non? J'sais les œufs, ils vont où? Ben, t'as ta technique, j'imagine. Je sais pas. Non. Ma blonde fait ça. Pas toi qui emballe. Non. Pas toi qui fais l'épicerie? Oui. Ah! Oh! Ouh. Ben, on coupe. On fait une activité de coupe, nous autres. Oh, wow! Ouais. C'est cute. Mais hein. Par exemple, dans le petit sac qui bouge sur le dessus, les gens, ils ont tendance de... Ils ont un réflexe de mettre les passeports, l'argent, parce que c'est un accès facile. Ouais. Mais c'est un accès facile aussi pour les voleurs. Fait que la meilleure option pour mettre... C'est une petite au poche... Au fond de tes souliers. Non. Ça, c'est à la plage, ça, je pense. Ouais, je pense que oui. Tu viens de... Excuse-moi! Tout le monde va fouiller dans le fond de tes souliers. Puis mettez pas non plus votre argent dans le congélateur à la maison, tu sais. Conseil que tout le monde fait, ça. Okay. Est-ce qu'on devrait faire justement pour... C'est vrai, tout le monde fait ça. L'argent dans le congélateur. C'est comme bien connu. Comme On n'a jamais fait ça, nous. On n'a pas d'argent. Je pense qu'on a tout ça en commun. Hein? Ah, bon. C'est vrai. Bon. Voilà. Il existe une affaire aussi, ça s'appelle des banques, Mathieu. Je connais pas ça. Les caisses populaires, tout ça. Non. Don't know what you're talking about. Sais-tu où est-ce qu'il faut le mettre, ton passeport, si tu le mets pas dans ton sac à dos ou dans le fond de tes souliers? Ah bon? Quand t'es en voyage. Il n'y a pas de banque en voyage? Ça se téléporte pas d'une succursale à l'autre. Non. D'accord. Non, je sais pas où. Ben, il y a des petites poches ventrales qu'on peut mettre en dessous du chandail qui se camoufle très bien. C'est comme un sac sous banane. Ouais, c'est comme un sac banane, mais très, très mince. C'est comme en espagnol, sous banane. Ben, banane sous-marin. C'est un sac banane sous-marin. C'est ça. Okay. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on met dans. C'est les trucs importants, billets de bus, de train et d'avion, les visas, de l'argent, le passeport, les chèques de voyage, carte de crédit. Mais ça, le pire, là, il y a un produit en infopublicité. Je sais pas si vous avez vu ça à la télé, au canal TV, à whatever, comment ils appellent ça de nos jours, là, mais c'est comme une genre de c'est un genre de padding. Paddington, bear, hein? Bon. Que tu mets dans ta brassière, ou peu importe, par-dessus ou en dessous, je sais pas trop quoi. Et puis là-dedans, il y a comme un genre d'ouverture, c'est comme couleur peau, c'est comme vraiment. Puis là, tu peux mettre des affaires là-dedans, là, puis il l'annonce comme étant vraiment révolutionnaire. Non seulement tu grossis ta poitrine, mais en plus, tu peux mettre des affaires dedans. Cœur. Wow. Ah, ben, t'en as sûrement 3-4 paires. T'en prendras une pour toi, ça. Mettons, côté masculin. J'ai déjà assez de poitrine, hein, je me manque. Côté masculin, mettons, là. Oui. Si t'as pas le goût de prendre cette nouvelle invention révolutionnaire. D'accord. C'est un petit sac vraiment. C'est comme des bobettes. Pauvre en plus. Okay. Bon. Ouais. Oh mon Dieu. Ben, sinon, tu peux aller pour le sac bananes, sauf que c'est un petit peu plus encombrant, un peu plus voyant, puis un peu moins esthétique. Ouais. Quand tu repasses à sac banane, l'expression sac banane, quand tu penses à ce que tu viens de dire, c'est bien drôle. Ouais. Ah, ok. Fait que un coup qu'on a relâché les sangles, les courroies, puis tout que le sac est lousse, là, on peut mettre le sac à dos, puis après ça, on commence à ajuster les courroies de compression sur le sac pour que ça tienne, comme je disais, pour pas que ça force les zips, les ouvertures. Après ça, on met les bretelles, on les ajuste, on ajuste la ceinture de taille pour que le sac dépose harmonieusement sur les hanches. Ah, que tu choisis des beaux, c'est pas adverbe, adjectif? Je sais pas, je t'ai mots, ouais, je dirais. Là, ça nécessite quand même d'avoir une belle relation avec son sac s'il faut qu'il y ait de l'harmonie entre les deux. Là. Mais c'est justement pour que vous soyez confortable et que vous vous aimiez. Est-ce que tu as des camps de comme de counseling? Des thérapies. Personne ouais. Sac. C'est pas ouais. Un camp père-fils, c'est un randonneur sac. Ouais. De sac en flic, de père en sac. Genre un film avec... Ouais. Après ça, on ajuste les épaules. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, les ajustements aux épaules, ça ne devrait pas avoir la fonction de supporter la charge comme telle. C'est à peu près 15 à 20 Mais c'est vraiment pour assurer la stabilité du sac. Après ça, on ajuste la sangle à la poitrine, à la taille, puis pour éviter, dans le fond, que le sac bouge sur les épaules, dans le bas du dos. C'est ça. Puis souvent, la sangle qui est au niveau de la poitrine, le monde ne savent pas, jamais-tu en haut, jamais-tu en bas. Souvent, il y a à peu près comme 2-3 pouces de jeu. Mais l'idéal, c'est vraiment sur la poitrine, mais pour les femmes, c'est un petit peu plus haut. Sinon, c'est pas beau sinon, ouais. C'est pas très confortable. Ah, oui, aussi. L'entretien, je trouve que ça fait petite maman qui dit comme, fais ton lavage. en randonnée ou au repos, on laisse pas le sac trop longtemps au soleil si possible, parce que ça peut affecter l'imperméabilité à la longue. T'sais, si on s'arrête ou quelque chose, on le laisse pas traîner en plein soleil. On essaie de trouver un coin à l'ombre. Ça va faire parler les couleurs aussi du sac, hein, puis ce sera plus aussi beau s'il est au soleil trop longtemps. Ce sera plus tendance. Ouais. On essaie de déposer le sac sur une surface au moins sèche, puis on essaie lisse pour pas justement que ça le magane. pour éviter que les accros se forment sur le sac, puis pour empêcher aussi l'humidité d'entrer dans le sac. Parce qu'un coup que c'est rentré, c'est assez dur à faire sortir. Parce que aussi, c'est important là, de le dorloter pour conserver justement la bonne relation qu'on a établie. Ouais. Relation harmonieuse. C'est ça, pour que l'harmonie continue d'exister. Toi, elle doit être bien, l'harmonie avec ton sac, si ça fait des années que tu l'as. Là. Belle histoire d'amour. Là. Mais tant mieux. Ouais. C'est fun. C'est l'anniversaire de quelle sorte de tissu ou papier ou matériau sur un sac il y a 10 ans? Ouais, je sais pas. Hein. Anniversaire. On n'est pas des fêteux, nous autres. Polyester. Puis quand on a besoin de le laver, on essaye de le laisser sécher à l'air libre avant avant de l'entreposer dans un endroit sec, puis à l'abri du soleil de préférence. Préférable aussi de ne pas laver le sac à dos à la lessive parce que les rembourrures, tout ça, c'est pas très bon. On prend plus un linge humide ou une éponge imbibée d'eau tiède avec un peu de savon pour nettoyer les tissus. Puis après ça, on rince avec un chiffon et on suspend et on laisse sécher. Un chiffon? Un chiffon. Fait que c'était ça pour aujourd'hui. Un chiffon. Que j'espère que ça va vous avoir aidé. Si, au moins pour le choix de la nécessité. Souvent, les grosseurs, on sait pas trop. Ça dit quoi, 55 litres? Je fais quoi avec ça? Là? Tout à fait. Ma phrase de l'année. Vérifiez vos besoins avant de faire un achat. Et la mienne, sac banane. Sac banane, oui. Deux belles phrases à retenir. Oui. Bon, mais merci, okay, Mélie Gauthier. C'était tout. Merci. Donc, finalement, je pense que je vais aller je vais te consulter s'il faut que je change mon sac. Là. C'est bon, ça. Je vais aller faire un tour dans ta boutique. Dans combien de temps ça va être ça que tu vas changer ton sac? Ah, t'es trop habitué. Non, c'est ça. On est encore trop bien, mon sac et moi. Si vous avez une relation ouverte, fait que tu peux fréquenter d'autres sacs pendant quelques temps, puis tu reviendras. L'important, c'est de parler. C'est le plus important. C'est ça. Mm. Oui. Belle morale. Hein? Mm. Oui, c'est cute. Mm. Donc, on te retrouve mardi prochain pour une autre chronique plein air. Oui, tout à fait. Je vais parler de tante. Et de tante, j'ai une belle définition pour toi en plus. Okay. Fait que, on ne parlera pas de ta tante Ginette, par exemple. Non, j'en ai une tante Ginette. Hein. Ah ouais. Et bonjour à la tante à Mathieu. Mm-hmm. Mais non, ça va être plus la tante petit abri qu'on peut ouvrir n'importe où. Là. Tu dis ça, puis Mathieu pense quand même à... Je sais, j'essaye, mais non. Bon. Surtout que là, il pense à sa tante Ginette. Fait que là, fallait pas dire ça comme ça. On te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup encore une fois, Émilie Gauthier. À la semaine prochaine et mardi pour sa chronique plein air. Oui. Veux-tu sortir avec moi? Ouais. On vient après la pause, nous. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous écoutez Assemblage Requis jusqu'à 17h. times. But your lows will have their complement of highs. And if anyone should cheat you, take advantage of or beat you, raise your head and wear your wounds with pride. Running Up de Yes Sir, assemblage requis, émission du retour en pièces détachées. On est ensemble jusqu'à 17h, nous étant Kiwan, moi Mathieu, et vous à la maison avec un nom à déterminer. D'ailleurs, on aimerait ça demander aux auditeurs, et on le répétera une fois de temps en temps comme ça, mais on cherche un nom pour vous les auditeurs. Donc, les assembleurs, les jacasseurs. Parce que tu avais déjà baptisé les auditeurs des Palmarès Les Palmiers. Oui, bien sûr, parce que ça a un grand lien, Palmarès Les Palmiers, oui, évidemment. Donc, on cherche un nom pour les auditeurs d'Assemblage Requis. Donc, écrivez-nous sur le site assemblagerequis.com. On attend vos conseils et vos bonnes idées farfelues. C'est une question d'identité, là. Fait que, oui, affirmez-vous. Là, levez-vous de bout les X. Pas les X. Non, on ne prend pas. Surtout pas. Donc, en attendant que de vous avoir trouvé un nom, on veut quand même vous gâter, vous, auditeurs d'Assemblage Requis. On a des sushis à vous donner. On a 10$ de sushis à vous donner tout de suite. Donc, vous nous appelez pendant la pièce qu'on va aller écouter. On va aller écouter un peu de Au revoir Simone avec la pièce Sab Song. Et vous nous appelez tout de suite au 819-376-5183 pour 10$ de sushis qu'on vous donne tout de suite. 376-5183. Tout ça grâce à Yuzu Sushi. Oui. Yuzu Sushi. WTF point d'interrogation. C'est la pièce extraite du palmarès anglophone qu'on vient d'entendre. C'est le OK Go. Et c'est ce qui met fin à l'émission Assemblage Rocky pour aujourd'hui. Tout à fait. On se retrouve demain à 15h avec Paul is Dead de Simon Fitzbay. Oui, peut-être qu'on aura aussi du matériel nouveau, des incorrigibles. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas présenté. Les gens aussi vont vider leur sac. Hein? Oui, on parlait de sac tantôt et de... Ouais. Bref, les gars seront probablement pas avec nous demain pour en parler, mais quand même du nouveau matériel, des incorrigibles, donc on devrait vous présenter ça demain à l'émission. Soyez-y, c'est à 15h aujourd'hui et ce soir sur les ondes de C'est fou. À 17h, c'est la rediffusion de Chez les Mécoutus avec Sophie Laforêt. À 19h, c'est Rock Révélé avec Serge Nadeau. Et à 21h, c'est le Dr Pendragon et son émission Réanimation avec tous ses invités, ses collaborateurs et co-animateurs. Il y a du monde à mèche ce soir. Demain matin, n'oubliez pas Simon Fitzbay avec On s'appelle des jeunes. Ça commence à 7h. Donc, soyez-y. Et le dîner de con à 11h, comme d'habitude. Moi, je vais de retour à 13h demain. Donc, beaucoup de choses à retenir. Mais moi, je vais être là demain avec vous à 13h pour l'édition anglophone des Palmarès C'est fou ou le Crazy Countdown. T'es en train de suggérer que tout ce qu'il y a d'important à retenir, c'est que tu vas être là demain à 13h. Voilà. C'est noté. Bon, le gars qui veut même pas se plugger lui-même, mais qui est en tout cas... Hein? Tu m'énerves. Donc, bonne soirée, Mathieu. Bonne soirée aux éditeurs. On se retrouve demain. On se laisse avec un extrait du dernier album de Hot Chip, la pièce Holly Cats. C'est convaincant jusque-là quand je disais que tu m'énervais, mais là, après ça, c'était comme... Pas presque tout. Beaucoup trop de camaraderie dans cette émission-là, je trouve. Ah, coup de coude, là, puis coup de... Clin d'œil. Sac. Et... Bon. Sac. T'as-tu pogné? T'as-tu pogné coup de sac? Coup de sac! Oh, coup de sac! People we have an unhappy cat. He is restless, needs attention, loses patience, seeks affection. Monkey grooms, blossom blooms, do you dig germs? The germs. Heads like cats, speaking tongues like alley cats, cradle them in both our laps. When we lie low, we wear each other's heads like cats, speaking tongues like alley cats, cradle them in both our laps, and we die low. Inside a blanket to bed, planted like the crocuses. In the song my mother said, she wanted us to sing. We sleep inside a blanket.